Écoute frère, j'ai le seum, j'suis béton en cherchant le seul. À coup de bâton, j'suis béton sur le sol. J'ai peur de finir vieux et seul. Sur la tête, j'ai dû franchir le seuil. Les barrières, j'ai dû les franchir seul. En période tendue, j'ai l'esprit sale. Rêve de guerre et d'homicide, mort noyé ou brûlé à l'acide. C'est triste à dire, mais j'ai un triste avenir. Fataliste, je déposerai un dernier sourire avant de mourir. Marqué à l'arme blanche, j'flanche sur un visage d'ange, ma rage gravée sur le bas de tes hanches. Le jour où je te tuerai, ce sera pire qu'une tuerie. Du sang tout part sur les mains d'un tueur en série. Tout pétra et Saint-Père n'ira au paradis. Paul Naref vous a menti, la nuit. J'ai le cœur qui bat, stressé par le temps qui se barre. Je rêve de faire de ma vie une putain d'œuvre d'art. J'rêve de ci, j'rêve de ça. 10 000 questions, 10 000 saisons, 100 000 raisons de tuer un homme. J'rêve de ci, j'rêve de ça. J'rêve d'un bain de sang. Le jour où j'ai plus rien à perdre, ma vie sera un bain de sang. J'rêve de ci, j'rêve de ça. 10 000 questions, 10 000 saisons, 100 000 raisons de tuer un homme. J'rêve de ci, j'rêve de ça. J'rêve d'un bain de sang. Le jour où j'ai plus rien à perdre, ma vie sera un bain de sang. J'rêve de ci, j'rêve de ça. 10 000 questions, 10 000 saisons, 100 000 raisons de tuer un homme. J'rêve de ci, j'rêve de ça. J'rêve d'un bain de sang. Le jour où j'ai plus rien à perdre, ma vie sera un bain de sang.